station, la Croix. Troisième station, la Croix. Quatrième station, la Croix. Martin Luther King te battit, l'étape gourmet pour l'unité. L'aile mourit en pile, moun crié. Pas rien à faire de religion. Religion pour religion, croyance pour sauver. Religion pour religion, sans faire c'est loué. Religion pour religion, croyance pour sauver. Religion pour religion. Là on chrétien a fait cadeau, livide bail sans distinction. Car charité pas gain conception. Là on tombe à religion là. Pas gain différence, pas gain différence. En protestant à franc-maçon, pas gain différence, pas gain différence. Entre nous, pas gain différence. Qu'un pasteur t'avait passé, libre c'est pour y sauver. Là on combat ouais, religion. Religion pour religion, croyance pour sauver. Religion pour religion, sans faire c'est loué. Religion pour religion, croyance pour sauver. Religion pour religion. Chrétien vivant des bras pontiers, y'a un layon pas capable qu'embé. La chair à Fabio décontrôlé, en bagaille ça pas gain distinction. Pas gain différence, pas gain différence. En protestant à franc-maçon, pas gain différence, pas gain différence. Entre nous.